Pour tous vos problèmes électriques, que ce soit industriel, commercial, institutionnel ou résidentiel, les Électriciens du Nord, un incontournable en affaires depuis 1977. Notre équipe possède le savoir et l'expérience pour répondre à tout besoin. Les Électriciens du Nord, 1025 Première Rue à l'Ascension, au 418-347-5103 ou visitez ledn.com. Monsieur Ghislain Tremblay et tout le personnel des Électriciens du Nord invitent toute la population à la classique hivernale de Saint-Ludger-de-Milo et félicitent les organisateurs. Le grand nous a quittés ce matin. Tigui Aymon est décédé à l'âge de 77 ans. Tigui Aymon a collaboré énormément au début de danradiosport.com. On va vous présenter d'ailleurs la dernière entrevue qu'il m'avait accordée le 21 novembre 2013 suite au décès de MacDoug Vachon, lui aussi qui était un géant dans le monde du sport également, qui nous avait quitté cette journée-là. Donc on écoute l'entrevue du 21 novembre 2013 que Tigui Aymon m'accordait. Le monde de la lutte et le monde sportif québécois a perdu une légende dans la lutte. Maurice MacDoug Vachon est décédé ce matin à 4h du matin au Nebraska, à l'âge de 84 ans. Et qui de mieux placé que Tigui Aymon pour nous rappeler des souvenirs de MacDoug Vachon. Salut Tigui! Salut Denis! Hey, c'est une journée... je savais depuis... la dernière fois que je l'avais vu, il avait commencé à faire de l'Alzheimer. Puis je savais que 4 fois de l'Alzheimer... Dans le fond, la vie, c'est pas... Moi, je figure que quand t'arrives à l'Alzheimer, c'est peut-être même si t'es comme lui, il était surhomme, c'est sûr, malgré les deux graves accidents de la route qu'il a eu dans sa carrière. Deux vrais, là. Puis, c'est drôle pareil, hein? C'est le 21 novembre aujourd'hui, puis c'est le 21 novembre en 87, après la fameuse accident là, que j'étais attrapé par un gars qui avait coupé la jambe, là, qui est revenu au Québec par un avion que Michel Chesney puis le gouvernement Petro-Canada il est revenu au Québec, puis le monde, il avait été reçu. Maurice, c'était drôle. Hein, c'est un vilain, mais le monde l'aimait. Le monde l'aimait, c'est un gars, c'est l'un des lutteurs. Moi, c'était mon favori, Serge Chavard. Quand on avait une chance d'aller le voir, puis Roger Brouillette, on avait toujours le voir lutter. Oui, Maurice, écoute bien, il a couché chez nous. J'ai sorti régulièrement. C'est un gars de plaisir énorme. Okay. C'est un gars qui aimait la musique. Il y a deux semaines, justement, j'ai été voir chanter pour Patrick Normand. Puis Maurice, ses deux chanteurs favoris, c'était Fernand Gignac puis Patrick Normand. Okay. Puis Patrick, on se rappelait des soirées où c'est l'ancien lutteur et l'autre Saint-Jean qui avait un restaurant sur les sites. C'est là que Patrick a commencé. Puis là, Patrick me disait, c'était dessus de bon temps. Puis lui, Patrick, son idole, c'était Léo Néo Jonathan. Que d'ailleurs, Maurice Vachon a tout le temps dit que ça avait été le lutteur le plus fort qu'il avait affronté. Puis, mais par contre, Jonathan m'a tout le temps dit. Il m'a tout le temps dit ça, que j'aurais pas mis de Noël avec Maurice Vachon. Hey, mais Tigui, pourquoi, qu'est-ce qui a fait la légende de Maurice MacDoug Vachon? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a fait la légende? Qu'est-ce qui fait que c'est légende, une légende? Mais il a gagné en partant en 150, il a gagné les médailles d'or aux Olympiques, puis en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est une photo. Ça me fait de la peine, mais il l'avait donné personnellement, cette photo-là. Il, au moment où il reçoit la médaille d'or, puis tout, puis je sais pas, dans mes articles, dans plus nombreux journaux, j'ai travaillé. Finalement, cette photo-là, je l'ai perdue. Puis ça me fait bien de la peine, puis je trouvais que c'était un maudit beau souvenir, puis que ça remontrait comment ce qu'il m'aimait, m'avait donné cette photo-là. Alors, moi, Maurice, c'était tellement, écoute, ben, c'était un homme au grand cœur, hein. Il avait pas rien à lui. C'est pour ça que je suis bien surpris que Maurice serait mort riche. Bien surpris. Ben oui. Il a fait de l'argent. Il en a fait de l'argent, lui, à lutte, là, aux États-Unis, partout à travers le monde. Il était au Japon. Je me rappelle les coups, il avait été au Japon, puis en revenant, il m'avait donné une belle montre pour ma fête. Une belle montre, ça valait une centaine de pièces, une couple de centaines de pièces. Il m'avait donné ça comme cadeau. Ben, un autre coup, en 72, pour me remercier de mes articles, puis ma femme, qui faisait toujours ses lits quand il venait coucher à la maison, puis il nous avait emmené, il faisait la finale ce soir-là au Madison Square Garden, puis il m'avait emmené, moi et mon épouse, il avait les billets sur le bord du ring, tout. En même temps, dans l'après-midi, il m'avait emmené aussi voir le film, là, c'était la première de Billie Holiday, la chanteuse, là. Puis avec Diana Ross en vedette. Puis en tout cas, Lefebvre, je me souviens bien gros. J'ai voyagé avec Canadien pendant 18 ans. Même si Canadien a eu de grandes vedettes au hockey, c'est le club qui avait les plus grandes vedettes, j'ai jamais vu un joueur du Canadien être demandé par la foule, puis des autographes, tout ça, comme Maurice Vachon, cet après-midi-là, sur le Times Square. Maurice était très, très populaire aux États-Unis. Hein? Ben oui. D'ailleurs, c'est lui qui s'est fait un nom. C'est à Portland, un promoteur de lutte. C'est lui qui l'avait baptisé Mad Dog. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire l'argent. OK. Mais Tigui, à l'époque, la lutte, c'était aussi fort, disons, c'était très fort, la lutte, dans le temps. Là. Dans le temps des Rougeaux, C'était fort. Écoute bien, c'était au Québec, on a perdu bien les business avec les sports. La lutte, écoute bien, t'avais la lutte au Centre Sauvé, le radio, au Forum de Montréal, qui attirait des foules de 20-25 000 personnes. Bon, le mardi, il se ramassait soit à Sherbrooke, je sais qu'il présentait des programmes, il était annonceur dans le ring à la télévision Sherbrooke. Après ça, là, il s'en allait à Chicoutimi, c'était plein. Il s'en allait à Québec, payant encore les 30, puis c'était le Colisée. C'était partout dans la province. Puis ça faisait travailler beaucoup de monde. En plus des lutteurs, la centaine de lutteurs qui se promenaient d'un bord puis de l'autre. Le vendeur de billets, le promoteur, le gars qui avait le restaurant, c'était une business, c'était une grosse business. Mais là, Il a pas fait des publicités aussi, Mad Dog Vachon, à la télévision? Tu dis quoi? Il a pas fait de la publicité, Mad Dog Vachon, également à la télévision? Peut-être qu'il en a fait, mais il était tellement bon. Tu sais que c'était l'idole de Prince. Hein? Tu sais, Prince, le fameux chanteur qui compétitionnait Jackson. J'avais tombé sur le dos, j'avais vu ça dans l'entrevue, tout. Puis il avait demandé ça. Puis qu'il venait de Minnesota. Puis Maurice, pour dire, c'est là qu'il a commencé là, son gros bum avec Vern Gagné. Puis il avait demandé. Puis Prince avait dit, mon idole de jeunesse, c'était Mad Dog Vachon. Ça m'avait complètement assommé. Mais Maurice, c'était un personnage, c'était un gars drôle. C'était un gars. Moi, je dirais que, en tout cas, il était bien bon dans des entrevues, c'est à peu près des meilleurs qu'il y a eu dans l'histoire du sport. Okay. Mais Maurice, t'as pas loin certain. Si Maurice le mettait pas, Maurice, quand il parlait, faisait des entrevues, tu lâches tout, puis tu voulais entendre ça, tu te reverrais. C'était tout un phénomène, Maurice Vachon. Okay. Tu me dis, est-ce qu'il est mort pauvre? Est-ce qu'il est mort? Parce qu'Édouard Carpentier, qui a été une légende de la lutte. Bien surpris. Okay. Oui, il m'a tout le temps dit que les femmes. Maurice, il y avait eu plusieurs enfants et plusieurs femmes. Il m'a tout le temps dit que les femmes, il avait coûté bien de l'argent. Okay. Maurice, il avait toujours une façon de. Il me disait, oui, il me faisait rire. Il disait tout le temps, une femme, c'est un animal au feu là. Il me disait tout le temps ça. Aïe, mais. Tigui, pourquoi que c'est en allant à Omaha, au Nebraska? Ces dernières années de sa vie, c'est la marine américaine. OK. Elle contrôlait, elle, pas mal raide, comme ça. C'est elle qui était à bosse. OK. Voilà, il était bien fort dans le ring, mais je pense qu'il était fait avec les femmes. OK. Puis, parle-moi de ses dernières années de sa vie, parce que, bon, depuis, c'est terrible. Depuis qu'il était amputé de sa jambe, il y avait eu, je pense, tu l'as mentionné en début d'entrevue, au mois de novembre, 21 novembre, ça fait 20 ans. Est-ce que les dernières années de sa vie, tu me l'as dit, tu en as parlé tantôt, il y a eu de l'Alzheimer qui s'en est mêlé, mais avant ça, est-ce que ça a quand même bien été? On peut pas dire, quand il est parti pour Omaha, là, on avait plus autant de nouvelles. Je pense que c'est elle qui contrôlait tout. Elle avait un salon, quelque chose. En tout cas, il devait lever. Si elle restait par là, il aurait fait le Québec. Puis, Maurice Vachon, j'aurais pensé que Maurice Vachon, ça serait mort en dehors du Québec. C'est tellement un personnage légendaire. Moi, je peux dire quelque chose. Je sais pas si un jour je vais le faire. Des fois, ça me traite dans la tête parce qu'on m'a souvent d'affaires pour écrire et n'importe quoi de chose. Mais si je ferais un livre, les 100 plus grands athlètes ou ceux qui m'ont plus marqué dans ma vie, Maurice Vachon vient d'un premier. Ah oui? Officiel. Ah oui, comme Maurice Richard, comme Pourquoi? C'est son charisme? C'est son... Son charisme, sa carrière. Ouais. Écoute bien, c'est vrai qu'il a été... Comme tu dis, il a gagné mes aides d'or. C'est la vraie lutte, là, pas de chicage, puis rien de ça. Puis, à part de ça, à Montréal, il s'était fait un nom. Quand il est revenu, il a travaillé comme bonheur d'un club. Puis lui, tous les meilleurs hommes de la province, il s'est planté. Il a vraiment pas besoin de bataille. Maurice Vachon. Maurice Vachon, c'est une légende dans la rue, n'importe quoi. Puis c'est drôle, il y avait un conseil enfin. Je sais que, je pense que c'est un de M. Catroni qui avait des clubs de nuit, puis qui avait été un ancien lutteur. Puis une journée, il a dit à Maurice, il dit, Maurice, il a donné ce conseil-là, puis Maurice l'a écouté. Il dit, Maurice, il dit, ils vont tous venir t'essayer. Tu vas tous les planter. Ben, une journée, il va en arriver un de 5 pieds 4 avec un gun, puis il va te passer. Il dit, ils font tout, puis ils meurent tous de même, les bonnes soeurs. Comme ça, il dit, t'es bon lutteur, tout ça. Il dit, va t'entendre dans la lutte, puis tu vas vivre plus longtemps. Mm. Puis il a écouté ce conseil-là, pas par rapport qu'il avait peur, parce qu'enfin, là, il va planter Fernand Servant. Ça, c'était connu comme un ancien boxeur qui avait une réputation de batailleur de rue extraordinaire. Puis il avait voulu se faire un nom. Il avait essayé trois fois Maurice au lieu de ce qu'il travaillait. Puis Maurice l'a planté trois fois. Puis la troisième fois, Maurice, il a lancé sa traque des chars. Puis il a dit, si tu reviens, je te tue. Et il n'est pas revenu l'autre. Ça fait combien de temps qu'en Amaha qui est déménagé? Ça fait bien une dizaine d'années qu'on l'a perdu de vue un peu, hein? Ça fait combien de temps qu'on l'a perdu et de vue qu'il a déménagé aux États-Unis? Moi, la dernière fois que je l'ai vu, justement, j'ai la photo devant moi, là, c'est en 80, je suis posé entre lui et son frère Paul. Okay. Moi, Régis Lévesque était là cette journée-là. Puis il y a Gino Brito, il y avait Orlando Viri, un gars, puis tu sais, il y avait 80, ça fait, il est mort à 80, ça fait 4 ans. Mais il commençait à faire les erreurs. Là, Paul, il fallait qu'il rappelle souvent quand on parlait des affaires. J'avais constaté qu'il me regardait, puis il n'était pas sûr, puis tout. Puis Maurice, c'était un gars qui était très, très intelligent. Puis l'Alzheimer commençait à faire ses affaires. Mais tu sais aussi une affaire, hein? Il a tout le temps dit qu'il a livré plus de 13 000 combats contre des gars de je parle, tu sais. T'as Front, Ferré, t'as Kowalski, Jonathan, des gars de 6 pieds 6, 6 pieds. Puis là, quand même, que les gars, là, les bas des slams dans les choses, les coups certains que ces gars-là, quand même, ils sont faits bien fort. Ils ont suivi certainement une coupe de commotion cérébrale. Ça prenait des chances épouvantables. Puis des coups durs, mais je peux dire quelque chose. Pour l'histoire de la lutte au Québec, là, dans une couple d'années, on a perdu des grades, le Carpentier, un an ou deux, le Géant, et tout ça. Moi, je peux dire. Mais que matin, dans le fond, là, quand on prend l'habitude de la mort de quelqu'un, ça me fait bien. C'est bien, sûr, bien. C'est sûr, Tigui, tu n'as quand même. À matin, je savais qu'en fin, là, quand tu fais de l'Alzheimer, ta vie, là, c'est plus. J'en connais du monde, d'autres personnes qui font de l'Alzheimer. Moi, je me souviens que Maurice Richard, quand il allait voir Toblake, il avait une mauvaise phénoménale, puis il faisait de l'Alzheimer. Puis Maurice, quand il revenait, il pleurait. Il dit, il ne me reconnaît pas. Mais, toi, Maurice Richard, il comprenait pas ça. C'est une maudite maladie, ça. Là, dans le fond. Au-dessus, le soleil, enfin, il t'a rendu, il t'a dans le sol, là, puis il ne savait pas du qui était, c'était carré comme ça. Dans le fond, là, il a eu une bonne vie pareille. Il a eu, comme tu dis, la lutte, à un moment donné, il a eu deux gros accidents, une en revenant de Québec avec Marquin, il y a bien des années, il avait une fracture du bassin. Encore là, il avait passé à travers, puis il était même plus supposé lutter, puis il est revenu. L'autre accident, là, puis ça, c'est ça. Puis il avait un moral épouvantable. C'était un gars qui était... c'était... Dans le fond, là, tu sais, quand c'est des gars sensibles pareil, je sais pas si je te l'ai déjà raconté, lui, il venait coucher chez nous, puis un soir, d'habitude, le gars, ben, pour commencer, les joueurs du Canadien sont tous dans la maison chez nous. Tu sais, les étoiles du temps, puis ça va gagner comme Stanley, puis tout ça, ça venait tout à la maison. Puis là, la vue, elle se remplissait quand les joueurs du Canadien venaient à Guy Lapointe, à M. Charles, tout ça. Mais quand Maurice Vachon venait dans l'après-midi, pas de souvenir de le soir, quand il venait dans l'après-midi, là, ma rue, elle se remplissait comme jamais. Là, ça commençait à crier dans la rue, « Mad dog, mad dog, mad dog. » Excuse-moi, je vais venir. Puis, il fallait qu'il sorte dehors, puis qu'il envoie de la main au monde. Puis, c'est lui qui a eu... Ah. Qui a dérangé le plus, ma rue. Excuse-moi. Ben. Tigui, on va te souhaiter un bon rétablissement, t'as une petite grippe, puis on va te rappeler dans le temps des fêtes. Normalement, on t'appelle toujours dans le temps des fêtes, puis on va te rappeler. Ben oui, après, en tout cas, je savais qu'aujourd'hui, tout le monde m'appelle de partout, c'est sûr. Ben, tout le monde savait que Maurice était, comme je te dis, c'était quelque chose de spécial dans ma vie. Ouais. Ben, Tigui Aiguemont, merci beaucoup, puis on se reparle bientôt. OK, merci, vas-y. Tigui Aiguemont qui nous parlait du décès d'une légende aujourd'hui, Maurice Mad Dog Vachon.